Il est 13h passé de 30 minutes. Bienvenue au retour avec l'émission Music Dance comme tous les mardis. Voilà donc, et bien j'espère que vous avez passé un bon début de semaine, une très bonne matinée avec tout le monde pour déjà l'émission avec Lionel du matin et puis ainsi d'autres activités que vous avez eues de la matinée. Voilà, nous sommes ensemble pendant toute l'après-midi avec plusieurs variétés de chansons différentes. Voilà donc. Je vous laisse avec Scotch, avec Take Me Up, et puis suivi de Martine, et puis d'autres chansons différentes. the voice. Now the time has come for you to make the choice. Out flying high like a bird in the wind, cause you take me up with anything. You take me up with anything. Come on, out flying high, come on. You take me up with anything. Come on, out flying high, come on. As you listen to this, an old time beat with a brand new twist. Come rock with Alpha, we dance and sing, cause you take me up with anything. Don't ask me why I've been waiting for love tonight. They say me no, see I have a good time, that's right. Come with me and sing forever. I believe it's written here. Come rock. Come rock. Alpha's fine. Come rock. Girl, and I know. bien connu dans les années 85 avec London Beats, et le titre s'appelle Out Beings You. Avec Paloma. Una paloma una vez me dijo que no la dejara volar, que la llevara a ver la puerta del sol a la orilla del mar, que le acariciara la pluma cada vez que se quisiera escapar, y que ella por siempre y para siempre de mi mano van a dedicar. Una paloma que vino de j'ai toujours aimé, j'ai tellement rêvé de te

Voici donc Donna Summer. Voici donc deux morceaux différents pour elle. Voici donc les deux titres qui suivent. Bonjour. Y yo no lo sé. ciel, c'est du soleil toute la journée. Voici donc qui s'appelle tout simplement Adaway avec What is Love et puis juste puis après Lonnie Gordon. voici donc le groupe Wasapart et le titre Everybody. Tout simplement, eh bien, les programmes tout simplement pour la semaine. Voilà donc à partir de tout simplement, eh bien, à partir de 19h jusqu'à 21h, vous allez retrouver Christophe pour l'émission Electric Choc. Et puis ainsi que demain matin, tous les matins, à partir de 7h jusqu'à 9h, eh bien, du lundi au vendredi. vous allez retrouver tout simplement bien funky. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Voilà donc, et puis suivez donc pour le mercredi matin, vous allez retrouver tout simplement Victor à partir de 9h jusqu'à midi avec Portugal en Festa, et puis dans l'après-midi à partir de 14h jusqu'à 16h avec tout simplement Gloria. Donc on continue bien sûr les chansons. Voici donc, eh bien, le titre s'appelle tout simplement Ce que l'amour a besoin ou a touché. Voici donc tout simplement Johnny Hallyday. Madonna avec Laisa Bonita et puis suivi de Indra.

Voici donc le groupe Cool Dans The Gang avec Fresh.

When you're too tense, it's common sense, a relaxivo. The more you earn, the less you learn to relaxivo. Oui, French, you'll find our more inclined to relaxivo. Relax, relax, relax, relaxivo. Your doctor bills a hole for pills to relaxivo. You're in your prime, so now's the time to relaxivo. The girls pursue those fellas who can relax. Relax, relax, relax, relax, relax. You're as tight as a drum. You're as gay as a tune. You better loosen up, chum. Your drum is apt to snap and go boom. And when you go, they'll take your dough. For the taxi-hoo. Relax-a-hoo. Get your sneakers and slacks. Relax-a-hoo. I don't have to try to relax-a-hoo. Chum, I'm much too numb to relax-a-hoo. We French, you'll find our more inclined to relax. Relax, relax, relax, relax, relax. Bub, I take a tub to relax. Bub, I sit and scrub to relax. The girls pursue those fellows who can relax. Relax, relax, relax, relax, relax. As a drum. I'm as loose as a deuce. You're as gay as a tune. I'm as light as a kite. Better loosen up, chum. Your drum is happy to snap and go. Boom, boom, and when you go, they'll take your dough. What a taxi-hoo. Relax-a-hoo. Get your sneakers and slacks. Relax-a-hoo. Get your sneakers and slacks. Relax. Après tout simplement, relaxez-vous. Voici tout simplement, eh bien, Dépêche Mode. Thank you. Enjoy the silence. Arc-en-ciel, un amour de la femme. the music and jam. There's no time for the problem. Not a thought to solve it. Just make sure you get it. Show the fellas you with it. Being proud you did it. Never will you forget it. There's a way to stop this. Listen to the prophets. Everything they said, yo, it should be read. Paul had to tell things that made him well. L-I-G-H-T shining and my brother's heart crying. We'll be right back. donc après, tout simplement après Imagination, je vous laisse avec Laurie sur un air latino. Arc-en-ciel, un amour de FM. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Sur un air latino. Que l'enfer. Et puis juste après, Ima. Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais,

toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Coco, pas de look. Coco, pas de look. Pas de doute, coco. s'appelle La Bouche et le titre s'appelle tout simplement Be My Lover. Et puis juste après, David Hasselhoff. I know that it's toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Slimane avec la recette. Et suite après de Heurtakit après.

Arc-en-ciel, un amour de la femme. Bonjour, je m'appelle Alain Pennec. C'est Christine Balfa avec le groupe Balfa du jour. Bonjour, c'est Gabriel Yacoub. Bonjour, je suis Jean-Paul Corbineau du groupe Triam. C'est Denis du groupe Mes souliers sont rouges. Vous écoutez Traditionnel sur Radio Arc-en-Ciel Orléans. Sur Arc-en-Ciel, les musiques traditionnelles, c'est le mercredi de 18h à 19h30. Ainsi pour la suite des émissions le mercredi à partir du soir, juste après tout simplement Violette, à partir de 19h30 jusqu'à 21h avec Christina. Et puis donc le jeudi matin à partir de 9h jusqu'à midi avec Armand Giraud pour l'émission Vase de Portugal. Et puis dans l'après-midi, Chantal à partir de 15h jusqu'à 17h avec Groove Tropical. Et puis donc, juste après, à partir de 18h-20h, avec Sylvie pour l'émission Pause Musicale. Et puis juste après, entre 20h jusqu'à 21h, avec Julien Noche-Flanca. Et ainsi, pour le vendredi matin, à partir donc 9h midi, tout simplement avec Lorenzo. Voilà donc, on continue l'émission avec les chansons. Et voici donc les chansons du compris. Voici donc. Le samedi dit. Right from c'est country tout simplement. C'est parti. I've never known a girl.

Delia Mega Groove. Everybody. Delia Mega Groove. Everybody. It's going crazy. Crazy. It's going crazy. Crazy. It's going crazy. Crazy. It's going crazy. Crazy. It's going crazy. It's going crazy. It's going crazy. It's going crazy. It's going crazy. It's going crazy. Difference is in the mix with DJ Boris. Delia Mega Groove. Delia Mega Groove. Delia Mega Groove. Delia Mega Groove. L'ambiance du samedi soir arrive, et toi là. Un pied devant l'autre, Boris. Ce soir, t'es le roi de la piste, Boris. Ce soir, c'est normal, c'est soir à disco. I know what I want and I

Voici donc Nio avec Jeff. Après, tout simplement, le titre s'appelle Paradis avec tout simplement, on écoutera Samara. J'ai toujours aimé d'être dans le top, soir face à la jalousie. On fait du bénéfice pour le confort, y'a que le bon Dieu qui m'adoucit. Bébé, je peux pas t'aimer tous les jours, j'ai des plans trop juste dehors. J'suis tout près de la quiche, t'as près du four, c'est super méchant quand on sort. Banks, ça part dans le dos, c'est mieux qu'on se croise. Hein. On irait dormir sur les Champs-Élysées, là où la nuit coûte trois plaques. Digo et je peux pas me péter, ça nique mon cardio et je t'éteins ce soir. Ils sont remplis de sa vie, je les ai cramés, je suis en pétard. Rêve, rêve, on arrivera sur le trône un peu blessé. La seule chose qu'on a changé, c'est peut-être le prix du blouson. Travailler pour l'argent, mais j'ai aimé gagner de l'argent. La différence, elle est là. Je ne vais pas travailler pour de l'argent, mais je ne travaillerai pas pour rien. C'est une vraie bienfaisante, bien sûr. J'apprends toujours quelque chose. Je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. Je ne me suis jamais endormi un soir de ma vie sans apprendre quelque chose. Chef. J'ai toujours rêvé d'être dans le top tour face à la jalousie. Fais du bénéfice pour le confort, y'a que le bon Dieu qui m'adoucit. Bébé, je peux pas t'aimer tous les jours, j'ai des plans trop juste dehors. Tu fais de la cuisse, t'as fait du four, c'est super méchant quand on sort. Ça part dans le dos, c'est mieux qu'on se croise. On ira dormir sur les Champs-Élysées, là où la nuit coûte trois plaques. Digo, je peux pas me péter, ça nique mon cardio, je t'éteins ce soir. Ils sont remplis de survie, je les ai cramés, je suis en pétard. Tout ça c'est le destin. Chef. Après ça on devient des chefs. Ouais. Max. Chef. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Paradise, no life, paradise, no life, paradise, no life. Baby, my tsunami, my city. I'ma save now, no worry. Paradise, no life, paradise, no life, paradise, no life. See my gun, for to save my man. See my brand, come up with all of the sin. It's my no game, I'm a snake with Spain. The team is Spain, when I tell you can, When I run the risk, I don't share it to leave me. When I run in deep, if you drug, you save me. Feel like you're not a fit, mark it, you feel me. Paradise, no life. When I run the risk, I don't share it, believe me. When I run in dope, if you drug, you save me. Feel like I'm not a fit, mark it, you feel me. Paradise, no life. 27 when I'm in the clothes. حب الشارع من يدونا نوطوز حكي في الحب وين الموني أتروز قولي وينك وانا في الحبس فلوز عم النقاعي كيب بوكاري تحكي فلوس ومصاري تعرف لي جرالي ضوى مع بيك السيني كوكي بصدك راحتي في البار avec tout simplement Ryan Paris avec Dolce Vita. Un petit coup à Véro parce que je sais qu'elle aime bien cette chanson. Why pull your fears away? We live it like in a Dolce Vita. I came up yesterday. I'm so alone in the Dolce Vita. Oh baby, tell the phone. This magic's gone. Soleil, plein les oreilles. Plein les oreilles. Voilà, donc c'était cette chanson-là qu'on va se dire bonsoir à tous et à toutes, parce qu'il est bientôt 17h et l'heure tourne, et l'heure, ça veut dire que l'émission se termine. Voilà donc, eh bien, j'espère que c'est passé une bonne après-midi, ma compagnie, qu'on va se retrouver prochainement, donc on se retrouve déjà eh bien mardi prochain, ainsi vendredi et ainsi dimanche. Voilà donc, eh bien, je vous dis bon temps à tous et à toutes. C'est le dimanche 11 septembre. L'association Rendez-Miot vous attend pour son festival folklorique annuel. Vous souhaitez connaître le programme ? Le voici. Samedi 10 septembre, venez dîner et découvrir le plat signature. Bacalhau et Ronda. Réservé au 06 15 99 41 44. La soirée continuera par un bal en plein air animé par le groupe local Capa Negra. Le dimanche 11 septembre, à partir de 14h, Festival Folklorique. Avec la participation des groupes Amicales Franco-Portugaises de Sens, Aouglia Domingue de Vierzon, Ronda Tipka de Chalette-sur-Loing, Soleil du Portugal de Main-sur-Loire et le groupe organisateur Ronda Minute. Mais également les traditionnels groupes de Bombouge, notamment aux Amigos de Portugal de Fleury-les-Aubrais, Bombouge du Castel, Château-Thierry ou Zamalantinouche de Olivet. Pour une rentrée aux traditions portugaises, l'association folklorique Rendez-Miot vous donne rendez-vous les 10 et 11 septembre prochains à leur siège social au 328 rue de Prêteville à Saint-Jean-de-Bray. Soyez au rendez-vous. Bido ! Adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00.

Também cantou? Bom, eu aqui deste lado cantei. Sim, senhora. E vamos então a caminho das é quatro da tarde. Final. Portugal aqui tão perto. Atualizamos a informação e depois estou de volta para a última hora. Deixo-vos com Ana Moura, muito bem acompanhada de Bonga e Valentim. Só um bocadinho. RDP Internacional. Longe da vista, perto do coração.